إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا وبعد الحمد لله se retrouve encore une fois par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour étudier ensemble à travers la radio la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala pour étudier une des sciences les plus importantes, l'explication de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'explication du Coran. Et on essaye d'expliquer et de comprendre les paroles. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala la réussite. On a fini hier Sourate Al-Mutaffifin, les fraudeurs, et on commence aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, Sourate Al-Inshiqaq. Sourate Al-Inshiqaq. La déchirure. Naam. Et cette sourate est mécoise. Et comme on avait cité, elle est comme Sourate Al-Takwir et Sourate Al-Infitar. Elle te montre ce qui va arriver le jour du jugement parmi les choses terrible et effrayante, comme il est venu dans le hadith qu'on avait cité auparavant, le hadith de Abdullah ibn Omar, qu'Allah l'agré lui et son père, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui veut voir le jour du jugement comme s'il le voyait de ses propres yeux, qu'il lise quand le soleil sera obscurci et quand le soleil se rompra et quand le soleil se déchira. Justement, c'est Sourate Al-Inshiqaq. الله سبحانه وتعالى يقول إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق. نعم. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le premier verset, à traduction approximative, quand le ciel se déchirera, c'est-à-dire les sept cieux. Le ciel ici, c'est les sept cieux, comme on avait dit, qui étaient dans cette vie d'ici-bas, forts et robustes, renforcés. Le jour du jugement, il va se déchirer. Il sera fondu. Il sera fendu. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Sourate Al-Mursalat, et il dit aussi dans Sourate Ar-Rahman, verset 37, « Puis quand le ciel se fendra et deviendra alors écarlate comme le cuir rouge. » Donc le ciel, le jour du jugement, va se rompre, se déchirer, vu l'immensité et l'intensité de ce jour. « Idha as-sama'u inshaqqat » quand le ciel se déchirera. « وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ » et obéira à son Seigneur et fera ce qu'il doit faire. C'est-à-dire, elle écoutera et obéira l'ordre de son Seigneur, qui est de se fendre, de se déchirer, alors qu'il était renforcé et fort dans cette dunya. Elle fera ce qu'elle doit faire, car elle se doit d'écouter et obéir à celui qui l'a ordonné. Allah subhanahu wa ta'ala, son Seigneur et son Créateur. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a créé. Comme elle l'a fait au début. C'est-à-dire lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate les versets détaillés, verset 11, « Il s'est ensuite adressé au ciel qui était alors fumé et lui dit, ainsi qu'à la terre, « Venez tous deux, bon gré, mal gré, tous deux dire, nous venons obéissants. » Naam. Donc médite, ô toi, être humain faible, comment étaient ces créatures immenses? Elles écoutent et obéissent. Naam. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ. Et que la terre sera nivelée. C'est-à-dire que la terre va s'étendre. Elle va s'aplanir et s'élargir. Ce n'est pas comme dans cette dunya. Cette dunya, on voit la terre, elle est ronde. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ. Elle sera aplanie. On va l'étendre, l'élargir. On fera disparaître les montagnes et les constructions. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala dit... Et les laissera comme une plaine dénudée dans laquelle tu ne verras ni tortuosité ni dépression. Donc la terre sera nivelée. Elle sera aplanie et élargie afin de rassembler toutes les créatures malgré leur abondance. Malgré leur abondance. Imagine-toi ce jour, toutes les créatures qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a créées, ils seront rassemblés sur cette terre aplanie et vaste. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala il dit ensuite wa alqat ma fiha wa takhallat, et qu'elle rejettera ce qui est en son sein et se videra. Effectivement, la terre sortira ce qu'elle a à l'intérieur parmi les morts et les trésors, et se videra de ce qu'elle a à l'intérieur par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah les appellera, c'est-à-dire il appellera les morts, il les ressuscitera et ils répondront, ils se lèveront de leur tombe devant Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit dans sourate le voyage nocturne, verset 52, le jour où il vous appellera, vous lui répondrez en le glorifiant. Vous penserez cependant que vous n'êtes resté sur terre que peu de temps. Donc les morts seront ressuscités, nus et non circoncis, comme on l'avait cité dans le hadith. Comme ils ont été créés, comme ils sont sortis du ventre de leur mère, ils seront créés de la même façon. Nus et non circoncis. Ils sortiront de leur tombe. Et comme on avait vu, ce jour-là sera terrible. Car chacun sera préoccupé par sa propre personne et dira « Nefsi, Nefsi, mon âme, mon âme ». Et on avait cité le hadith long par rapport à cela. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ. Il répète encore une fois, comme dans le deuxième verset. Et qu'elle obéira à son Seigneur et fera ce qu'elle doit faire. Naam. Elle obéit à son Seigneur et à son Créateur. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَادِحًا فَمُلَاقِهِ. Ô homme, s'adresse à l'être humain ici. Toi qui t'efforces vers ton Seigneur sans relâche, tu le rencontreras à l'heure. C'est-à-dire, ô toi être humain, tous les êtres humains, croyants ou mécréants, toi qui t'efforces vers ton Seigneur sans relâche, c'est-à-dire toi qui t'efforces avec persévérance et difficulté vers ton Seigneur dans cette vie d'ici-bas, quel que soit ton effort, quelle que soit ton œuvre, qu'il soit bon ou mauvais, à la fin, tu retourneras vers Allah subhanahu wa ta'ala. Comme a dit Allah azza wa jal dans sourate l'étoile, versets 39 à 42, et qu'en vérité, l'homme n'obtient que le fruit de ses efforts, et que son effort, en vérité, lui sera présenté le jour du jugement. Ensuite, il en sera récompensé pleinement, et que tout aboutit, c'est-à-dire toute fin, en vérité, vers ton Seigneur. Fin du verset. Que ce soit le croyant, celui qui obéit à Allah subhanahu wa ta'ala et œuvre dans ce qu'Allah agrée et qu'il atteint par cela l'agrément d'Allah, ou le mécréant, le désobéissant, celui qui désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala et œuvre dans ce qu'Allah n'agrée pas et déteste et qu'il atteint par cela la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, le retour est à Allah à la fin. Que ce soit l'obéissant ou le désobéissant, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit vers nous est le retour, ensuite c'est à nous de leur demander compte. Quoi qu'il en soit, tu rencontreras Allah. Toi, être humain, qui t'efforce vers ton Seigneur sans relâche, tu le rencontreras alors. Allah subhanahu wa ta'ala ensuite montre la situation de l'être humain lorsqu'il va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala et il dit فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Celui qui recevra son livre en sa main droite, c'est-à-dire le livre de ses actions, c'est le croyant qui a cru en Allah subhanahu wa ta'ala et lui a obéi dans cette vie d'ici-bas, qui a fait les bonnes œuvres, les œuvres pieuses, celui qui a rempli ses feuilles d'œuvres pieuses, on lui donnera son livre dans sa main droite pour l'honorer. Car on utilise la main droite pour les bonnes choses et les bonnes actions. Et il fera partie des bienheureux. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Sera soumis à un jugement facile. Effectivement, Allah subhanahu wa ta'ala le jugera, mais d'un jugement facile. Il n'y aura pas de difficulté dans son jugement. Quand ses œuvres lui seront exposées, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonnera ce qu'il avait comme péché. Il lui fera avouer ses péchés. Il lui dira, as-tu fait tel péché ? Oui, Allah, j'ai fait ce péché. Jusqu'à ce que le serviteur croira qu'il est perdu. Mais Allah subhanahu wa ta'ala lui dira alors, comme il est venu dans les hadiths sahiha, authentiques, je les ai cachés pour toi dans cette vie d'ici-bas, c'est-à-dire les péchés, et je les cache pour toi également aujourd'hui. Subhanallah. Pas de doute que c'est un jugement facile pour le croyant. Apparaîtra alors la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala sur le serviteur et sa joie, Allah dit ensuite, et retournera réjoui auprès de sa famille. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Et retournera réjoui auprès de sa famille. Il retournera auprès de sa famille dans le paradis. Sa famille qui ont été aussi croyants, qui ont obéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Il les retrouvera réjouis car il a été sauvé du châtiment et il a gagné la récompense. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre le deuxième groupe, deuxième personne. Les malheureux, Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِ » Quant à celui qui recevra son livre derrière son dos. Ici, ce sont les malheureux qu'Allah nous préserve. Il prendra le livre de ses actions par la main gauche, mais derrière son dos. Ici, quand il dit Allah subhanahu wa ta'ala, il prendra son livre derrière son dos, comme disent les savants, ce qui est correct ici, c'est qu'il aura sa main gauche derrière son dos et il prendra le livre. Pourquoi ? Car il a tourné le dos au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette vie d'ici-bas. Il a tourné le dos à la religion d'Allah azza wa jal. Il l'a mis derrière son dos. Alors il recevra son livre de la main gauche derrière son dos. Et il sera parmi les malheureux. فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا. Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite, il invoquera la destruction sur lui-même, ya subhanallah. Il invoquera sur sa propre personne la destruction, sa perdition, de par l'humiliation et la honte et le regret qu'il aura. Il dira toutes sortes de paroles qui montrent cela, mais ceci ne sera pas bénéfique. Ce jour-là, car l'heure de faire des œuvres, ou de regretter, ou de se repentir est finie. Ce jour-là, ce jour terrible, ça sera trop tard. Et il brûlera dans un feu ardent. C'est-à-dire un feu ardent qui le cernera de tous les côtés. Il brûlera dans l'enfer, pas d'échappatoire. Et cela, à cause de son livre mauvais, celui qu'il a pris de sa main gauche derrière son dos. Naam. Et cela car dans cette dunya, Allah subhanahu wa ta'ala il dit innahu kana fi ahlihi masrura, car il était tout joyeux parmi les siens. Naam, dans cette vie d'ici-bas, il était heureux de ce qu'il avait comme bien nourriture et boisson, toutes les jouissances de cette dunya, insouciant de son futur, insouciant de ce jour, il ne s'imaginait même pas ce jour. Il ne pensait pas être ressuscité. Il était seulement préoccupé par cette dunya, joyeux des jouissances de ce bas monde. Il n'œuvrait pas pour le-delà, mais plutôt faisait le mal. Voici son refuge le jour du jugement. Cette joie éphémère qu'il avait dans cette dunya, elle va disparaître et sera remplacée par une tristesse, un malheur et un regret éternel. Cette joie qui pensait qu'elle serait éternelle dans cette dunya, subhanallah, va disparaître. Elle sera remplacée par une tristesse, un malheur et un regret qui sera éternel. Tandis que le croyant, alhamdulillah, lui, sa joie, elle sera non seulement dans cette dunya, et elle sera dans l'au-delà éternel. Voilà les différences entre les deux joies. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ensuite, إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورُ. Et il pensait que jamais il ne sera ressuscité, il ne ressusciterait. Il ne pensait pas qu'il allait retourner vers son Seigneur après la mort et qu'il serait debout devant lui pour la résurrection. Et c'est pour cela qu'il a renié le jour de la résurrection et qu'il l'a traité de mensonge. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Mais si, certes, son Seigneur l'observait parfaitement. Mais si, il sera ressuscité. Il reviendra vers son Seigneur, contrairement à ce qu'il pensait. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala est omniscient et parfaitement connaisseur. Il l'observe depuis le jour de sa création jusqu'à sa résurrection. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala jure par les signes de la nuit, ces signes immenses. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ. Et on avait dit ici, فَلَا, dans la langue arabe ici, c'est pas le sens de la négation. C'est pour ça que c'est important d'apprendre le tafsir, l'explication des versets. Hein, celui qui n'a pas la langue arabe ou celui qui est débutant, il pourrait croire que ici c'est fala ou qasim, c'est-à-dire je ne jure pas. La. Ici le la c'est pas ça. Hein? Ici c'est l'affirmation. Hein? C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala il jure par bishafaq. Je jure par le crépuscule. Certes, je jure par le crépuscule. Et le crépuscule, c'est les lueurs rouges qu'il y a après le coucher du soleil dans l'horizon. Et quand ces lueurs disparaissent complètement, alors rentre l'heure du Isha. Et cela fait partie des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَالْقَمَرِ إِذَا وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ. Et par la nuit, et ce qu'elle enveloppe. C'est-à-dire ce qu'elle inclut comme animaux et autres. C'est-à-dire tout ce qu'elle regroupe. Et par la nuit, et ce qu'elle enveloppe. Naam. وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ. Allah subhanahu wa ta'ala jure par la lune quand elle devient pleine lune. C'est-à-dire quand elle devient parfaite. Sa lumière se complète. Et cela pendant les jours blancs. Et cela pendant les jours blancs. 13, 14 et 15e jour. Et ceci au moment où la lune est la plus belle. Et où elle est la plus bénéfique. Elle éclaire parfaitement la terre et le ciel. Et ceci est parmi les plus grands signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut méditer sur cela. Naam. Et la méditation, naam, sur les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala fait partie des causes pour augmenter la foi. Pour augmenter la foi. Allah subhanahu wa ta'ala, il a juré par tous ces signes. Puis il dit après cela, la tarkabunna tabaqan an tabaq. Fama lahum la yu'minun. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, vous passerez certes par des états successifs. C'est-à-dire, vous passerez certes, ô vous les gens, les êtres humains, par des états successifs, c'est-à-dire des différentes phases et différentes situations. D'une goutte de sperme vers un caillot de sang. Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé d'une goutte de sperme vers un caillot de sang. Tu deviens ensuite un caillot de sang, puis un embryon, puis l'insufflation de l'âme. Ensuite, vous êtes un nouveau-né, un enfant, puis un doué de raison. Ensuite, vous devenez responsable de vos actes. puis on vous ordonne et on vous interdit. Puis ensuite vous mourrez après cela. Puis Allah subhanahu wa ta'ala vous ressuscitera et vous rétribuera selon vos actions. Regarde ces différentes situations qui ont eu lieu sur l'être humain. Elles prouvent, qu'est-ce qu'elles prouvent ? Elles prouvent qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul qui mérite d'être adoré. L'unique. Le seul à gérer ses serviteurs par sa sagesse et sa miséricorde. Et que le serviteur, l'être humain, est pauvre, faible et incapable. Il est sous la gérance et le contrôle du Tout-Puissant, du Très Miséricordieux. Qu'ont-ils à ne pas croire ? Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite « Fama lahum la yu'minun ». Il dit Allah subhanahu wa ta'ala ici, c'est une question, mais pour les réprimander. Qu'ont-ils à ne pas croire ? Malgré cela, beaucoup de gens ne croient pas. Malgré cela, l'être humain ne cesse d'être insouciant. Malgré ces différentes étapes et situations de l'être humain qu'on a citées, il observe cette chose. Ils la connaissent. Qu'ont-ils à ne pas croire en Allah subhanahu wa ta'ala et en ses messagers ? Qu'ont-ils à ne pas œuvrer pour leur au-delà ? Qu'est-ce qui les empêche ? Ce qui les empêche est la mécréance, l'association. Ils n'ont pas la certitude, la paresse, la préoccupation dans les jouissances et les divertissements de ce bas monde. Leur cœur est voilé, comme on a vu, l'accumulation des péchés. Mais il n'y a pas d'excuse pour l'être humain de délaisser la foi en Allah subhanahu wa ta'ala après qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui ait montré et clarifié ces choses terrifiantes dans cette sourate et autres que celle-ci. Toutes les sourates qu'on a citées depuis le début, ce sont des preuves contre l'être humain. Qu'ont-ils à ne pas croire ? Allah subhanahu wa ta'ala ici les réprimant. « Wa idha quri'a alayhimu al-Qur'an, la yasjudun » Et à ne pas se prosterner quand le Coran leur est lu. C'est-à-dire qu'ils ne se soumettent pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne se soumettent pas au Coran. Parce que la prosternation ici, ça a le sens de l'obéissance. C'est-à-dire à ne pas se prosterner, à ne pas obéir à ses ordres et à ses interdits. Les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, les ordres du Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, le mot se prosterner signifie se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'on leur lit le Coran, ils ne se soumettent pas à Allah subhanahu wa ta'ala. بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ Mais ceux qui ne croient pas, le traitent plutôt de mensonge. Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans ce verset la cause de leur délaissement de la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala du Coran. Ils traitent de mensonge tout ce avec quoi sont venus les messagers. Ils se sont obstinés dans le rejet de la vérité, après qu'il leur soit apparu clairement. Mais ne t'étonne pas, ce n'est pas étrange qu'ils ne croient pas et qu'ils ne se soumettent pas au Coran, car celui qui traite de mensonge la vérité par obstination et par orgueil, rien ne peut être espéré de lui. On n'espère pas de lui. Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite, Wallahu a'lamu bima yu'un. Allah sait bien ce qu'il dissimule. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala sait parfaitement ce qu'il cache dans leur poitrine, comme doute, incertitude et mécréance. Allah subhanahu wa ta'ala sait parfaitement ce qu'ils font et il connaît leurs intentions en secret. Allah sait ce qu'ils cachent et ce qu'ils manifestent en public et Allah les rétribuera selon leurs actes. Allah subhanahu wa ta'ala montre ensuite leur fin. Quelle sera leur fin ? فَبَشِّرُهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ Allah subhanahu wa ta'ala dit annonce-leur donc un châtiment douloureux. Annonce-leur, informe-les, ô Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, que certes Allah leur a préparé un châtiment douloureux. Allah subhanahu wa ta'ala dit ici un châtiment douloureux. Il n'a pas dit un châtiment. Ce n'est pas un simple châtiment, mais douloureux. Seul Allah subhanahu wa ta'ala en a la science de cette douleur, comment elle sera. Et à titre de bénéfice, al-bishara dans la langue arabe, l'annonce pour annoncer quelque chose, soit c'est une bonne nouvelle ou soit c'est une mauvaise nouvelle. Et l'annonce, elle a été appelée annonce car elle a une influence sur la peau, sur le corps. Si c'est une bonne nouvelle, alors il y aura une réjouissance. Hein, la peau, le corps, il sera réjoui, les signes yani, de la réjouissance, etc. Mais si l'annonce est mauvaise, alors il y aura une tristesse, un malheur, etc. Tu vois, yani, comment la personne elle est. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ici, annonce-leur donc un châtiment douloureux. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le dernier verset de cette sourate, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, à eux une récompense jamais interrompue. Car parmi les gens, il y a un groupe qu'Allah subhanahu wa ta'ala a guidé. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire partie d'eux. Ceux qui croient en Allah avec leur cœur et accomplissent les bonnes œuvres avec leurs membres du corps, avec leur cœur et leur langue. Ceux qui ont cru en Allah subhanahu wa ta'ala et ont accepté ce avec quoi sont venus les messagers. Ceux qui ont accepté la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et se sont soumis à Allah azza wa jal. À eux une récompense jamais interrompue. Et ici, l'œuvre, la bonne œuvre, comme ils disent les savants, comme il est connu de chacun, c'est qu'elle a deux conditions, l'œuvre pieuse, pour qu'elle soit acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala. La première, c'est la sincérité. Elle doit être sincère, uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne désires, à travers cette action, que le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu désires que son agrément et sa récompense. Et le fait, tu désires aussi le fait d'être sauvé de l'enfer. Tu ne veux pas à travers cette œuvre une chose de cette dunya. Naam. Ça c'est la première des conditions. Et la deuxième, c'est qu'elle soit en conformité avec la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Que la personne, dans son œuvre, suive et l'a fait comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc cela a eux une récompense jamais interrompue. Jamais interrompue. C'est-à-dire une récompense qui sera éternelle. Elle ne sera pas diminuée. Une récompense éternelle, comme on l'a vu à plusieurs reprises, que nul œil n'a vu et nulle oreille n'a entendu et qu'aucun cœur n'a jamais imaginé. Al-Jannah, le paradis. Et seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît yani, la récompense, la valeur de cette récompense. Naam. Ainsi se termine, walhamdulillah, cette sourate, sourate al-Inshiqaq, la déchirure. Naam. Donc comme on a dit, cette sourate, elle nous montre beaucoup de choses terrifiantes et effrayantes hein, qui va se passer yani, le jour du jugement. À nous de méditer sur cette sourate et de la mettre en pratique, car nous sommes encore dans cette dunya, walhamdulillah, on a encore la possibilité de faire des bonnes œuvres, de multiplier les bonnes actions, de se préparer pour ce jour. Donc à nous de faire, à demander à Allah subhanahu wa ta'ala avant tout qu'il nous facilite, qu'il nous guide, et ensuite faire les causes pour atteindre ce but. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous mette parmi les croyants, ceux qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala avec leur cœur, leur langue et leurs membres du corps, ceux qui font des bonnes actions et qui s'éloignent des mauvaises actions. Amin. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. نعم. Hier je me suis trompé à fois ni trois. J'avais dit que le cours d'aujourd'hui c'était le cours de Abdullah Abu Ibrahim sur les recommandations de Luqman à son fils, mais je me suis trompé. En fait c'est le cours à 22h inshallah ta'ala de notre frère Omar Abu Sauda, donc sur le sujet, les belles règles concernant l'explication du Coran. Ce sera le cours numéro 2, Inch'Allah. Soyez présents. Barakallahu fikum. Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.